Les deux bocaux que vous voyez ont été préparés par Pharan, qui est originaire de Syrie et qui a utilisé une recette familiale qui existe depuis au moins deux générations. Le contenu des bocaux n'est pas fermenté à proprement dit. Il contient des poivrons qui ont été fourrés avec de l'ail et d'autres morceaux de poivrons, ainsi que du vinaigre de pomme. Cependant, le vinaigre de pomme à lui seul n'en fait pas un ferment.